Salut, moi c'est Bertrand, Bertrand Kiel. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme, pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision. Et je bénéficie de 20 euros de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle offerts, autant vous dire que ça détend d'autant plus. Oh, c'est fatigant de parler vite. Bref, merci Citroën, c'est cool. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détail de l'offre sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le prince noir, grand capitaine anglais de la guerre de 100 ans, a cet après-midi retenu l'attention de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vais vous raconter en effet le prince noir, à commencer par la plus belle page de son point de vue, de son épopée française, la chevauchée de Poitiers. Et après quoi vous recevrez pour parler de lui et de son temps, un professeur d'histoire médiévale très connu de nos auditeurs. Mais oui, parce qu'il est souvent avec nous, c'est Julien Théry, un des piliers de ces rendez-vous au cœur de l'histoire. Lorena Martin, ensuite, nous emmènera au château de Lormont sur les traces du prince noir. Et à la fin de l'émission, vous ferez un retour aux origines des couverts. Oui, la cuillère, le couteau, la fourchette avec quelques surprises à la clé. Pour le moment, je vous propose de nous replonger en un temps où l'on ne s'embarrassait guère de fourchettes. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Mais regardez-les chevaucher. Nous sommes le 19 septembre 1356 en Aquitaine et les armées de France, conduites par l'armée de France, l'Ost, conduites par le roi Jean le Bon, Jean II, ces armées font face aux troupes anglo-gasconnes du prince Édouard de Woodstock. Ce prince héritier qui, un an auparavant, a été nommé lieutenant général d'Aquitaine par son père. Son père est le roi d'Angleterre, son père est le roi Édouard III. Ce prince héritier a rendez-vous avec son destin de futur roi d'Angleterre. Il est là, au bord du plateau de Maupertuis, où se prépare une des plus emblématiques batailles de la guerre de Cent Ans, cette bataille de Poitiers, dite bataille de Poitiers, même si le plateau de Maupertuis se trouve à quelques encablures de la vieille capitale du Poitou. Alors ce n'est pas la première bataille de cette guerre, ce n'est sûr pas du tout la dernière. Elle met en présence donc le fils de Philippe VI, écrasé à la bataille de Crécy par Édouard III, et le fils d'Édouard III, Édouard de Woodstock, qui poursuivra sa conquête par des chevauchées dans tout l'ouest de la France. Le Capétien a des désirs de vengeance. Il est convaincu que cette fois, il a tout pour l'emporter sur les Plantagenêts. Si vous prenez toutes les premières batailles de la guerre de Cent Ans, vous rendez compte que systématiquement, les Français, les chevaliers de France sont convaincus que cette fois, c'est la bonne, qu'on va complètement écraser les Anglais. Est-ce que le roi Jean connaît bien le prince noir? En fait, rien n'est moins sûr. Ce prince noir, Édouard de Woodstock, est né 23 ans plus tôt, le 15 juin 1330, au manoir royal de Manor House. Alors, il faut jeter un œil à son arbre généalogique. Son père, le tout jeune Édouard III, est un Plantagenet. Il est monté sur le trône d'Angleterre à l'âge de 15 ans. Vous savez que sa propre mère était Isabelle de France, ce qui fait que Édouard III était le petit-fils de Philippe le Bel, et déjà, il possède le duché de Guyenne, qui comprend une grande partie de l'Aquitaine. La mère de notre Édouard, c'est Philippa de Hainaut. C'est la bonne reine des bourgeois de Calais, rappelez-vous. C'est l'arrière-petite-fille du comte de Hainaut, régnant par ailleurs sur les comtés de Hollande. Sa grand-mère, c'est Jeanne de Valois, qui elle-même est de sang français, de sang royal. L'union d'Édouard II et de Philippa offre donc des arguments aux Anglais pour obtenir le royaume de France. Alors, évidemment, l'union d'Édouard II et d'Isabelle, et non pas de Philippa. Édouard III veille très rapidement à ce que son fils soit le plus tôt possible initié au maniement des armes, à la chasse, à l'art de la chevalerie. Tout ça va faire de lui un guerrier redouté. Et pendant ce temps, les relations entre Édouard III et Philippe VI ont tendance à se tendre. Le roi d'Angleterre s'autoproclame roi de France. Il le fait auprès des Flamands. Il s'ouvre un accès par la Manche. La guerre est déclarée en 1337. C'est le début de ce qu'on va donc appeler cette guerre de Cent Ans qui, vous le savez, s'achèvera à Castillon en 1453. Avant, il y aura eu la reconquête de la Normandie, etc. N'allons pas trop vite. Édouard de Woodstock, très vite, va se trouver plongé dans le grand bain de la guerre, si je puis dire. Antoine Lebègue le raconte. Au XIVe siècle, l'enfance s'arrête tôt, surtout pour quelqu'un qui doit hériter du double titre de roi d'Angleterre et duc de Guyenne. Il nous raconte ça dans Le Prince Noir et sa légende, Lebègue. En 1343, Édouard III donne à son fils le titre de prince de Galles. Il n'a donc que 13 ans, hein, puisqu'il était né en 1330, le petit Édouard de Woodstock. On le voit participer aux festivités, aux joutes chevaleresques. Évidemment qu'on le fait jouter avec des armes très... on ne va pas le mettre en danger, vous l'imaginez bien. Et il traverse la Manche dès 1346, sauf que là, il se bat aux côtés de son père. Pour cela, Édouard III constitue une armée très solide. Il a recruté pas forcément des enfants de cœur, il faut bien le dire, hein, des guerriers, des soldats du rang, des paysans aussi capables d'écraser l'ennemi efficacement. On peut pas dire que l'armée qui débarque en France soit une armée très chevaleresque, il faut le dire. Face à nos bons barons de France, évidemment, c'est un peu une troupe de gueux, mais des gueux efficaces. 11 juillet 1346, 10 ans avant la bataille de Poitiers, Édouard III foule le sol français en compagnie donc de son fils, du petit prince de Woodstock. La légende raconte qu'il aurait saigné du nez le gamin en posant le pied sur le continent et il déclare « c'est bon signe, cette terre me désire ». Le lendemain, 12 juillet 46, Édouard est fait chevalier en l'église de Quêteoux, en Normandie. Son père l'adoube en lui donnant une petite tape sur la nuque, hein, la fameuse, la collée, comme on disait. Et puis, il lui remet ses armes, à commencer par la fameuse épée plate. On ne plaisante plus. Je cite de nouveau Antoine Lebègue. Officiellement pour impressionner les Aquitains, mais peut-être aussi parce qu'il devine qu'une nouvelle étape de sa vie va s'ouvrir, dit-il, qu'il va cesser d'être simplement le fils du roi pour devenir un chef à part entière, totalement libre, responsable de ses décisions, le prince noir s'offre un symbole fort, un nouveau casque, un aume surmonté d'un léopard orné d'un rubis d'une taille imposante. Vraiment, c'est un guerrier. Nous retrouvons. Et l'héritier de la couronne d'Angleterre va enchaîner les batailles. Crécy donc, bien sûr, 26 août 46. Il commande là un corps de troupes auprès de son père Édouard III. Tout ça est un peu symbolique encore, il faut bien le dire. Et puis, il engage une série de chevauchées. Nous verrons tout à l'heure avec Julien Théry ce que c'est qu'une chevauchée. Chevauchée à travers l'Armagnac, le Languedoc, la ville basse de Carcassonne, Castelnau, Dari, Narbonne, Limoux, etc. Il détruit, il pille, il démontre partout à la fois une forme d'insensibilité, on est dans la guerre, hein, et puis surtout une supériorité des armes. Terrasser pour dominer, voilà le principe même de ces chevauchées, le but étant également d'en tirer un profit, sonnant et trébuchant. On peut dire qu'Édouard est passé maître dans l'art des chevauchées. Ici, un groupe d'hommes, là, une famille, et plus loin, un village, tout ça est pris en otage. On demande des rançons partout, bien entendu. On va qualifier les armées du prince Édouard de colonnes infernales. Ce prince de Woodstock mène une guerre éclair, si vous voulez. Il est toujours en mouvement. Ça, c'est ce qui va signer, en quelque sorte, sa façon de faire la guerre. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on l'appelle le prince noir? Vous allez me dire non, pourquoi? Il semblerait que ce surnom de prince noir tienne tout simplement à la couleur de son armure. Son armure a été passée à l'anthracite, elle est noire. Elle est d'autant plus impressionnante, ça lui donnerait quasiment l'allure d'un fantôme des batailles. Un extrait de la bande originale du film de Christian Fechner, Justinien Trouvé ou Le bâtard de Dieu. Franck Ferrand vous emmène cet après-midi jusqu'à 15h au cœur de l'histoire du prince noir. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire du Prince Noir. Nous sommes à la veille de la bataille de Poitiers. Le Prince Noir va vivre un face-à-face historique avec le roi Jean de Le Bon, qui entend laver une humiliation faite à son père Philippe VI de Valois 10 ans auparavant. Mmh. Alors si ma mémoire est bonne, hein, ce sont des souvenirs d'école. La bataille de Crécy, elle avait été un fiasco pour les Français. Je vous confirme. Est-ce que c'est l'inimitié entre les Capétiens et les Plantagenets qui est à l'origine de cette guerre de 100 ans? Je ne sais pas si c'est l'inimitié. En tout cas, c'est la fin d'une dynastie en France, tout simplement. Hein. Les fils de, vous savez que les fils de Philippe le Bel n'ont pas eu de descendance directe. Enfin, il y a eu le petit Jean Ier si cher à Pierre-Louis Lancel, mais sinon en dehors de Jean Ier, il n'y a pas de... Voilà, et il meurt lui-même au berceau. Donc, changement de dynastie, et à ce moment-là, le fils d'Édouard II et d'Isabelle de France, donc le petit-fils de Philippe le Bel, peut faire valoir ses prétentions à la couronne de France, tout simplement. Évidemment, les barons de France et d'une façon plus générale, les États, ont choisi un Valois, parce que ça reste un prince français. Pour régner sur la France, on s'est dit que c'était pas plus mal. Mais après tout, il y a concurrence dynastique, c'est ça, les origines de la guerre de 100 ans, tout simplement. Alors, revenons justement à notre bataille de Poitiers. La veille, Woodstock est en infériorité numérique. Il le sait, quand je dis infériorité numérique, c'est considérable. Puisque si vous mettez bout à bout tous les soldats dont il dispose dans les différentes armes, etc., ça fait à peine 10 000 hommes, hein, des Anglo-Gascons. Et en face, les Français sont 20 000. Et en plus, il y a ces très fantastiques et impressionnants chevaliers français. Sauf que ce que sait très bien le jeune Woodstock, c'est que les chevaliers en question sont plus pour le roi de France un handicap qu'un avantage. Certes, ils sont impressionnants, ils sont beaux, ils sont rutilants, mais dans la pratique, ils sont lourds et constituent des batailles, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire des régiments désorganisés. Le 19 septembre 1356, les deux armées se font donc face à Maupertuis, hein, très joli village aujourd'hui de Noyers-Maupertuis, entre parenthèses, j'en profite pour faire de la réclame pour le beau Poitou. Ce plateau culmine à 138 mètres. Ce sont les Français qui attaquent les premiers. Ils pensent, c'est exactement la même erreur qu'à Crécy, que le choc de la charge chevaleresque va désarçonner les Anglais en quelque sorte. C'est le boutoir, vous savez. Sauf que le prince Noir a minutieusement préparé son terrain. Il a fait aménager partout des tranchées. Il a disposé des barrages de pieux. Il a installé une troupe défensive en position de tir. Il a toujours les fameux redoutables archers. On ne dirait pas que la leçon de Crécy est déjà passée par là. Entre nous soit dit, on connaîtra encore le même problème à Azincourt en 1415, hein, ça ne rentre pas la guerre d'avance qu'ont les Anglais grâce à ces régiments d'archers extrêmement mobiles, efficaces et précis. Antoine Lebègue raconte la stratégie du prince Noir. Un peu partout, on s'attache à recruter des archers. Le tir à l'arc long, souple et léger, ayant été développé dans tout le royaume au détriment des autres jeux depuis le règne d'Édouard Ier. Mais c'est au pays de Galles que sont recrutés le plus grand nombre et les meilleurs des archers, ce sport étant la grande spécialité des sujets d'Édouard de Woodstock. Comment s'appelait le fameux Robin des Bois? Ça, c'est de la légende, bien entendu. Les fameux longbows, leur capacité de tir hors norme vont faire merveille. 12 coups à la minute, vous imaginez, quand les arbalétriers français ont difficilement le temps d'envoyer 3 ou 4 carreaux. Le calcul est vite fait, des nuées de flèches littéralement transpercent le camp français et le déciment très vite. Les archers sont embusqués à la sortie d'un bois, ils vont anéantir les troupes d'élite du roi Jean et les Français, une fois de plus désorganisés, vont se précipiter dans la gueule du loup. Leurs chevaux, qui au demeurant sont mal protégés sur les flancs, s'empalent sur les fameux pieux, ça donne d'ailleurs un spectacle absolument affreux. La charge française se transforme en massacre sanguinolent. Le précieux comte de Clermont fonce dans la bannière de Salisbury, se fait tuer, d'autres chevaliers sont faits prisonniers en nombre, et voilà que le roi Jean, entouré de ses 23 bannières, hein, autour de son cheval blanc, assiste impuissant au carnage, et père, gardez-vous à droite, et père, gardez-vous à gauche, je ne vais pas vous rappeler tout ça, son choix le choix du terrain, qui est un terrain marécageux, va ôter par ailleurs au chevalier français toute chance de s'en sortir dans cette circonstance complètement dramatique. Je cite Jean Favier, c'est toujours un bonheur de citer Jean Favier. Vers le Miosson massant le gros des forces à l'ouest des Anglais, en arrière d'un méandre marécageux, nous dit-il, le choix de cette position est stupide, le sol spongieux va jouer contre l'assaillant. Le prince noir, lui, met en place des pièges improvisés. C'est ce que nous raconte Jean Froissart, une des principales sources de la guerre de Cent Ans. Des chemins fortifiés mâlement de haies et de buissons, nous dit-il. Cette bonne utilisation du terrain prouve que le prince noir n'est pas seulement un stratège, c'est aussi un très bon tacticien. Je vous l'ai dit, c'est un homme qui est rapide, qui décide avec beaucoup d'aisance. Bientôt c'est le corps à corps et très probablement on utilise là ces fameuses dagues qu'on appelle les miséricordes, hein, ces dagues longues et fines qui passent entre la maille et qui vont transpercer parfois la visière des haumes, armes redoutables. Donc les Français ne résistent pas et donc les troupes du prince de Woodstock, très efficaces, vont l'emporter. Jean le Bon sent que la situation lui a complètement échappé. Il décide d'exfiltrer ses fils pour ne pas mettre en péril sa succession. Mais, alors, cela dit l'autre, l'héritier du trône, de toute façon, n'était pas sur le champ de bataille. C'est le futur Charles V dont nous avons eu l'occasion de parler ici même. Alors, est-ce que dans cette affaire, Jean II a le souvenir de la débâcle de Philippe VI à Crécy? C'est très probable. Toujours est-il que, de toute façon, il va se montrer complètement paralysé sur ce champ de bataille. Les archers à court de flèches, nous dit Le Bègue, ont même le temps de récupérer des flèches sur les morts et les blessés, c'est-à-dire que les archers, certains archers gallois en tout cas, vont faire moisson de flèches pour les tirer à nouveau. Et malgré sa bravoure, le roi de France, blessé au visage, va rendre les armes sur le champ d'Alexandre. C'est le chevalier de Morbecq, fidèle parmi les fidèles du prince noir, qui est chargé de le faire prisonnier. Défaite cuisante, sans précédent, des milliers de tués, beaucoup de grands seigneurs prisonniers, on va avoir des rançons incroyables. 14 comtes, 21 barons, vous imaginez, 1400 chevaliers et le roi de France en personne. Alors là, la mesure est comble. La preuve de sa capture, c'est-à-dire la tunique et le haume du roi, sont remis solennellement au prince noir. Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire d'Édouard de Woodstock, le prince noir. Nous sommes au 14e siècle jusqu'à 15h et vous pouvez, comme chaque jour, participer à cette émission. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Ça se passe sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH et la page Facebook au cœur de l'histoire. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous emmenez cet après-midi au cœur de l'histoire d'Édouard de Woodstock. Vous venez de nous faire revivre cette bataille où le roi de France en personne est fait prisonnier, puisque sa capture, sa tunique et le haume sont remis au prince noir en personne. Exactement. On peut dire que c'est une prise de taille, le roi de France en personne. Vous imaginez ça? La rançon va être colossale. À Bordeaux, le prince noir est accueilli en héros. On le voit quitter le port de la Lune, le 11 avril, du fait de la forme, vous savez, qui épouse toute la Garonne. Le 11 avril 1357, il est à bord du Sainte-Marie. Le prince noir a embarqué sur l'Esprit. Antoine Le Bègue raconte, là continue le petit jeu de la vente et revente des prisonniers, un véritable maquignonnage commencé dès la fin des combats et les arbitrages concernant les droits de propriété de certains pris plusieurs fois. Et oui, c'est une histoire. En fait, c'est une sorte de grand casino, les règlements de bataille de l'époque. Le prince noir a très bien retenu la leçon de son père, d'Édouard III. Une guerre coûte, mais elle peut aussi rapporté, et la couronne d'Angleterre dans cette affaire va réclamer 4 millions d'écus. Autant dire que la France est ruinée. Je parlais de casino, c'est un peu le Monopoly, là, si vous voulez. Il va falloir céder beaucoup, un tiers du territoire, ce sera le traité de Bretigny, vous savez, en 1360. les Français sont affaiblis pour longtemps et Édouard III va en profiter, bien entendu. Alors après 4 ans de négociations, on verra Jean le Bon libéré en échange de 3 millions. Entre parenthèses, on a été obligé pour l'occasion de frapper une nouvelle monnaie. Ce sera l'origine du franc à cheval, vous savez, l'origine de la monnaie qui s'appelle le franc. Édouard III est déjà, entre nous, Jean II ne restera pas longtemps libre, puisque de façon très chevaleresque, il va se refaire prisonnier. C'est une histoire complètement extravagante, mais c'est pas le sujet. Édouard III est déjà reparti, lui, sur le continent, à la conquête de cette couronne de France. Alors, quelle place veut-il réserver à son héritier ? En 1362, le prince de Woodstock est fait prince d'Aquitaine. Son destin est définitivement lié désormais à cette région, Aquitaine, qu'il va devoir défendre. Il épouse sa cousine, Jeanne de Kent. Il s'installe à Bordeaux et la cour qu'il va installer là est une cour absolument somptueuse. Vous imaginez les problèmes et les tensions avec un certain nombre des seigneurs locaux, partisans des Français, bien entendu, pas tous d'ailleurs. De nouvelles chevauchées en perspective pour le prince noir. Le rapport de force s'inversera petit à petit en faveur de la couronne de France. Ce sera le règne assez brillant de Charles V dont nous parlions l'autre jour. Je cite de nouveau Jean Favier qui lui-même cite Froissart à propos de la chevalerie française. Les Anglais avaient coutume de dire que nous savions mieux danser et caroler, c'est-à-dire danser précisément, que mener la guerre. Or le temps est retourné, ils se reposeront et caroleront et nous garderons nos marches et nos frontières. On n'en est pas là pour le moment. En Aquitaine, le prince noir cherche des alliés, notamment du côté du roi de Castille, mais au fil des campagnes, il perd non seulement ses fidèles lieutenants au combat, je pense à Jean Chandos en 1370, on va en parler de tout ça bien sûr, mais il sera aussi lâché par un certain nombre de ses barons de Gascogne qui jusqu'alors avaient assuré son succès. Il est affaibli politiquement, le prince noir, et il va devoir par ailleurs affronter une maladie. Il rentrera en Angleterre et confiera à son frère Lancastre, au duc de Lancastre, la défense de sa belle, de sa chère Aquitaine. Le prince noir était l'héritier de la couronne d'Angleterre, mais il est condamné à n'être, comme d'autres dans l'histoire, qu'un éternel héritier. Bonjour Julien Théry. Bonjour. Le prince noir meurt, de quoi meurt-il d'ailleurs? Jeune, relativement jeune somme toute. Oui, pour l'époque c'est pas si jeune, mais enfin bon, 45-46 ans. Oui. Il meurt d'une maladie intestinale manifestement qui traînait depuis son voyage en Espagne, depuis son expédition en Espagne qui avait été victorieuse, son intervention dans la guerre fratricide de Castille. En 1367, il en est revenu malade et il n'a jamais vraiment guéri. Il a eu des rémissions, il est allé plus ou moins bien, plus ou moins mal jusqu'à sa mort, mais il semble que ce soit quelque chose comme une dysenterie prolongée qui l'ait emporté. Donc il n'a jamais ceint la couronne d'Angleterre, ce prince noir. Alors j'ai dit qu'on l'appelait prince noir du fait de la couleur de son armure, vous confirmez ça? Alors c'est pas si clair. Ouais. On n'en sait rien. On n'a pas d'attestation de cette appellation qui soit contemporaine du personnage. C'est une appellation tardive. Ouais, c'est une appellation tardive et qui va très bien avec l'histoire guerrière du personnage, et avec ses chevauchées terribles à la tête desquelles il s'est porté, surtout celle de 1355 et celle de 1370. Voilà, faute de régner, il s'est illustré par ses hauts faits militaires, comme vous l'avez bien dit, et par sa sauvagerie, qui était assez commune, évidemment, au chef de garde à l'époque. Si à l'époque on ne l'appelait pas le prince noir, comment est-ce qu'on le désigne dans les chroniques, dans les... Alors, comme celui d'aujourd'hui, on l'appelait le prince de Galles. Prince de Galles. Le point commun que vous rappeliez avec le prince Charles, qu'il a le malheur d'être l'aîné d'un roi ou d'une reine d'une très longue longévité. On l'appelle le prince de Galles, comme le prince Charles d'aujourd'hui, à 7 siècles de distance. Parce que le roi, lui, le roi Édouard III, celui qui était le vaillant roi d'Angleterre, ouais. Édouard III, celui du siège de Calais notamment, il n'en finit pas, lui. Alors, sa longévité est exceptionnelle. Bon, il n'arrive pas à 92 ans comme la reine Élisabeth, qui d'ailleurs est peut-être loin d'avoir terminé. Mais enfin, il atteint quasiment 65 ans, Édouard III, ce qui est une longévité assez exceptionnelle pour l'époque. C'est un personnage qui a vécu très longtemps, avec 13 enfants, dont Édouard était le premier. À un an près, Édouard aurait pu régner, mais il meurt en 1376. Il est emporté par cette maladie, finalement, quelques mois avant la mort de son père. Et c'est le deuxième fils du prince noir, le seul survivant, Richard, né à Bordeaux, hein, à la cour d'Aquitaine, qui va lui succéder l'année d'après sa mort. Et succéder dans des conditions très difficiles. Conditions très difficiles. Il va finir d'ailleurs par être évincé, car la nombreuse fratrie du prince de Galles, hein, du prince noir, notamment Jean de Lancastre, l'un de ses frères, donc, et puis Edmund, un autre de ses frères, vont fonder des partis princiers. Hein, c'est un peu l'actualité dans tout l'Occident à cette époque, des partie de grands princes qui détiennent des pans entiers des royaumes. Les Anglais appellent ça la guerre des deux roses. L'influence. Et ça va donner, voilà, c'est là que je voulais en venir, la guerre des deux roses entre deux frères cadets, entre les descendants de deux frères cadets du prince noir, les Lancastre et les York. Alors nous n'irons pas, nous, dans ces subtilités de l'histoire anglaise aujourd'hui. On va revenir sur la destinée du prince noir, sur ses origines, sur son incroyable... il a été précocité, voilà, pardon, je cherchais le mot, sur son incroyable précocité au combat, puisqu'on le voit se battre dès l'âge de 13-14 ans. Ça décrécit, comme vous le rappeliez, dès 1346, il est à la tête de l'aile droite de l'armée, il se fait les dents. Oui, il fait ses armes. Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Edouard de Woodstock cet après-midi sur Europe 1. Avec votre invité, nous allons apprendre à connaître ce chevalier. Franck Ferrand, vous recevez Julien Théry. Il est archiviste, paléographe, professeur d'histoire médiévale à l'Université Lumière Lyon 2. Et on peut le lire dans le livre des sentences de l'inquisiteur Bernard Guy, avec des extraits choisis, traduits et présentés par Julien Théry. Un livre qui vient de reparaître en format poche, c'est CNRS édition, en version augmentée. Alors, ce prince noir, qui ne s'appelait donc pas comme ça de son vivant, nous dites-vous, ce jeune prince de Galles a été élevé d'emblée comme un guerrier. Il est un chevalier de naissance, d'une certaine manière. Oui, il reçoit l'éducation chevaleresque qui est celle d'un roi. Hein. Bien sûr, c'est quand même la vocation de la royauté qui est un summum d'aristocratie, finalement, que d'épouser le style de vie nobiliaire, le style de vie aristocrate, qui se définit d'abord par le métier des armes, par la chevalerie. Oui. Alors que ça veut dire concrètement qu'on lui apprend à jouter très jeune. Bien sûr, ça veut dire que très tôt, dès qu'il sort des mains des femmes, de 7-8 ans, à partir de l'âge de 7-8 ans, oui, il est formé bien sûr au combat, il est formé au commandement militaire et puis il côtoie des chefs de guerre. Il s'aguerrit de cette manière. Qu'est-ce que l'on sait de ses précepteurs, de ceux qui l'ont formé justement? Alors rien de bien extraordinaire, rien de qui sorte vraiment du commun. C'est surtout sur les champs de bataille qu'il fait, disons, sa renommée. C'est surtout à Crécy et puis ensuite au cours des expéditions militaires. On n'a pas de, il y a rien qui surnage vraiment de son éducation, si vous voulez, qui sorte de l'ordinaire, qui soit particulièrement marquable. Oui. Il ne manifestait pas très jeune de dispositions particulières parce qu'il va être un très grand guerrier avec le. C'est surtout sur le terrain que ça va se manifester. C'est surtout dans la gestion de ses possessions continentales qui sont héritées des ancêtres plantagenêts. Alors, dans ses succès militaires que ça va se manifester. Les Anglais sont vraiment très en retrait par rapport aux Français sur le plan de l'éthique chevaleresque, objectivement. Ils ont une conception de la guerre plus pratique, plus efficace, si je puis dire, non ? C'est ça. Et le prince noir peut paraître comme un parangon de chevalerie et il reçoit une éducation chevaleresque. Il est adoubé au soir d'une grande bataille, comme c'est l'usage après Crécy, certes, mais en pratique, il a une approche extrêmement pragmatique, beaucoup plus pragmatique que celle des Français. C'est déjà, on pourrait le croire, une caractéristique anglaise que le pragmatisme, alors que les armées françaises, les chevaliers des armées françaises, font encore prévaloir l'éthique de l'exploit individuel, l'éthique de l'honneur, l'éthique du beau fait. Les Anglais et Édouard le Premier font prévaloir l'efficacité. Ils se détachent de cette idéologie qui va, d'une certaine manière, être à l'origine, en partie au moins, des retentissantes défaites françaises. Et en particulier, Édouard et son entourage militaire acceptent ce que les historiens appellent aujourd'hui la révolution de l'infanterie, c'est-à-dire que la décision dans les batailles, désormais, se fait d'une manière ignoble, c'est-à-dire non noble au sens littéral, avec les combattants à pied. Et avec piétons. Les armes de jet, avec les armes de trait, comme vous l'avez très bien dit, l'arc et l'arbalète, mais surtout l'arc, la différence se fait là. Et ce sont des manières de combattre qui sont absolument pas chevaleresques. Hein. Il n'y a pas de confrontation d'homme à homme, évidemment, hein, avec un arc ou une arbalète. On est très loin avec un arc et on est très mobile. C'est ça. Et très invisible. Enfin, il y en a tout le contraire de ce que doit être un chevalier. Tout à fait. Ce qui définit la noblesse, c'est d'abord de combattre à cheval, hein, et de charger. Or, la différence, hein, la décision va se faire aussi bien à Crécy qu'à Poitiers, mais encore à la génération suivante, en 1415, à Zincourt, elle va se faire au profit de ceux qui ont accepté de descendre de cheval. Car les chevaliers anglais vont combattre à pied. Et voilà, derrière, disons, cette faculté d'adaptation militaire, il y a une des clés des succès militaires à ce moment-là. Et puis, des Anglais, pardon. Théorie, si l'on peut dire, d'Édouard III, donc du père de notre personnage, qui a décidé de faire de la rançon de seigneur quasiment une industrie. Enfin, il se dit qu'il y a là un moyen de payer la guerre, tout simplement. C'est ça. C'est une des grandes caractéristiques de la guerre de Cent Ans, hein. C'est une guerre au cours de laquelle, et ça, c'est un point commun d'ailleurs avec la vieille guerre chevaleresque, on essaie de faire prisonniers des gros poissons, hein, des nobles du plus haut rang possible, qui sont solvables, hein, et qui pourront se racheter à grand prix, le summum étant atteint, évidemment, avec cet épisode absolument inouï qui est la capture de Jean II le Bon sur le champ de bataille, qui va se payer, comme vous l'avez dit, ou qui est censé se payer 4 millions d'écus, c'est-à-dire une somme absolument astronomique. On met même carrément en danger le pays adverse, là, en demandant une rançon. La première conséquence, c'est l'appesantissement écrasant, hein, jusqu'à l'écrasement de la fiscalité. Ah oui, alors, oui. Et le résultat, c'est la révolution de 1358. Oui, bien sûr. Hein, et la jacquerie. Ah oui. Alors, la bataille de Crécy avant cela. Crécy, c'est 1346. On voit le tout jeune Woodstock, c'est son titre, ce prince de Galles, il n'est pas encore prince de Galles là d'ailleurs, on le voit sur le champ de bataille à Crécy, diriger, commander lui-même l'aile droite. Alors, c'est ça. En fait, il commande avec le conseil du comte de Warwick, hein, qui est là c'est quand ça. Même. Il a un aîné, il est sous les ordres d'un aîné, il est sous contrôle, évidemment. Hein. Mais bien sûr, c'est là, comme on le disait, oui, qui se fait les dents, c'est là qu'il apprend, la tactique, hein, et puis qui se confronte au combat réel. Hein. Avec une prédilection pour la rapidité et pour la dynamique. Il représente ce prince noir dans les guerres de la guerre de Cent Ans, dans les guerres du Moyen Âge. Son image est accolée à celle de la rapidité. C'est en ça. Fait, hein. C'est ça. Tout simplement parce que ces faits guerriers les plus marquants ont été des chevauchées. Alors hein, expliquez-nous ce que c'est. Et la bataille de Poitiers elle-même, qui est mémorable et qui est une bataille rangée, bien sûr, c'est quelque chose qui intervient à l'issue d'une chevauchée. Alors là, le chevauchée avec le siège des places fortes, c'est la principale manière dont on fait la guerre pendant cette fameuse guerre de Cent Ans. Les batailles rangées sont extrêmement rares, on les évite, hein, parce qu'on sait qu'elles peuvent être décisives. Elles sont très dangereuses. C'est ça, elles sont très dangereuses pour tout le monde et en général, on les évite, il y en a très peu. Alors, la guerre de chevauchée, c'est très simple, ça consiste à lever une armée, à se mettre en route, à entrer dans le pays de l'ennemi et à tout saccager, à tuer tout le monde sur son passage, à brûler tout sur son passage et surtout à faire du butin. Ce qui permet d'ailleurs de recruter des hommes pour fournir ses armées, car c'est l'appât du butin qui les mobilise. Et le prince noir est un expert en la matière. Ses chevauchées sont particulièrement destructrices et meurtrières. Bien sûr, c'est la paysannerie qui est la principale victime de la guerre. Autant dire que dans l'esprit du peuple à l'époque, ce prince noir, c'est une sorte d'Attila. Il fait peur. C'est un fléau, bien sûr. C'est un fléau. Il représente à lui tout seul l'un des trois grands fléaux qui s'abattent sur les populations à cette époque, hein. Les famines, les maladies et la guerre. Les trois étant d'ailleurs corrélés, et ce n'est pas un hasard si la grande peste noire fait des désastres juste après Poitiers. C'est des organismes mal nutris à cause des disettes liées à la guerre qui vont d'autant moins bien résister à la peste. Donc le prince noir a cette image d'un pilleur, d'un fléau, nous le disions. Il ravage les contrées par lesquelles il passe. Et à côté de ça, c'est quand même un prince qui va faire souche. On va lui donner l'Aquitaine, nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Édouard de Woodstock, le prince noir. Nous sommes au XIVe siècle et nous découvrons cet homme, la chevauchée de Poitiers et toute son histoire. Grâce à votre invité, Franck Ferrand, vous recevez Julien Théry. Il est archiviste, paléographe, professeur d'histoire médiévale à l'université Lumière Lyon 2. Est-ce qu'on peut dire de Poitiers que c'est le sommet de la carrière du prince noir, hein? C'est le moment, c'est son fait d'armes le plus brillant, puisqu'il capture le roi de France. On est en 1356, là. C'est tout à fait inattendu et inespéré. Ouais, inespéré. D'ordinaire, les souverains ne s'exposent pas comme ça sur le champ de bataille. Il va, disons, du prestige royal que le souverain apparaisse comme un grand guerrier. Mais enfin, de là à réellement prendre des risques sur le terrain, il faut vraiment être finalement quelqu'un qui vit dans le passé, dans les vieilles valeurs largement caduques, comme Jean II, pour se faire avoir. Hein. Oui, c'est-à-dire que Jean II est presque un roi de roman de chevalerie, d'une certaine manière. Tout à fait. Il vit dans l'imaginaire chevaleresque qui, en réalité, à cette époque-là, est depuis assez longtemps caduque. Hein. C'est un imaginaire du XIIe siècle, c'est celui du temps des ancêtres, de leurs ancêtres à l'un et à l'autre, hein, des Plantagenets et de Philippe Auguste, c'est ça, des années 1150-1230. Alors, le roi d'Angleterre est content. Ah, il est ravi, c'est une divine surprise. Ben oui, il veut récompenser son fils et il va ériger le fameux duché d'Aquitaine en principauté carrément. Hein. Parmi les conséquences désastreuses de la capture du roi, il va y avoir la cession, comme vous l'avez dit, au traité de Brétigny-Calais, de pans entiers du sud-ouest, de quasiment tout le sud-ouest, qui vont se joindre à la Gascogne déjà possédée par les Anglais. Et Édouard III va former avec tout ça une principauté de Gascogne et d'Aquitaine qui va donner à son fils aîné avec le titre de prince. Et ce prince mène une vie de souverain, quasiment. Il crée une cour à Angoulême, puis à Bordeaux. À Angoulême et à Bordeaux. Et c'est l'autre aspect du personnage, qui est d'ailleurs en fort contraste avec le côté chef de Soudard, hein, qui est le sien. Il y a une cour florissante, fastueuse, qui s'épanouit dans ces années-là, entre 1362 et le retour en Angleterre du prince fin 1370. Très riche cour. Donc une décennie, à peu près une décennie. C'est ça. À Bordeaux, où va naître d'ailleurs Richard, hein, le premier fils du prince de Galles, Édouard d'Angoulême, naît à Angoulême, comme son nom l'indique, et le second, on va l'appeler Richard de Bordeaux. C'est lui qui va succéder à son père finalement, puisque l'aîné Édouard meurt prématurément. Et donc, ce sont finalement presque des petits Français, en tout cas, ce sont des petits Gascons, hein, ces personnages, effectivement, qui naissent à la cour entretenue par Édouard et Jeanne de Kent. Quand vous dites que cette cour est fastueuse, on peut la comparer aux grandes cours de l'époque. Tout à fait. Et de ce point de vue-là, elle est même très représentative. C'est le début des cours de la pré-Renaissance. On pense à la Bourgogne, évidemment. C'est ça. La cour pontificale à Avignon. Mais la première, vous avez tout à fait raison, c'est la cour pontificale, celle de Clément VI, le plus fastueux des papes, celui qui est le premier grand mécène de la Renaissance. C'est entre 1342 et 1352. Donc vous voyez, c'est presque exactement au même moment, un tout petit peu avant, que les Bourguignons et les Français imitent les papes. La cour d'Édouard en Aquitaine a fait figure d'entité de précurseur, si vous voulez, hein, de cour qui est celle d'un précurseur. Ouais. Et puis dans la lignée de ce qu'avait institué Aliénor d'Aquitaine, il y a tous ces troubadours. Hein, il y a une littérature, une civilité particulière à Bordeaux. Aliénor, qui est d'ailleurs une ancêtre, hein, une ascendante directe du prince noir. Oui, c'est une cour qui cultive les arts. Alors, on n'est plus au temps des troubadours, hein, on n'est plus à l'âge d'or des troubadours, qui est celui du siècle précédent, mais on est à l'âge d'or de la musique et de la peinture, en particulier, hein, ouais, et de la sculpture. Mm-hmm. Et la chasse devient une véritable cérémonie. Tout à fait. Des banquets qui sont extraordinaires, voilà, qui durent deux jours entiers. Enfin, grande civilisation quand c'est même. On peut imaginer que l'éclat de cette cour de Bordeaux et de la cour d'Angoulême ont permis à l'image du prince noir d'être un peu redoré. Aujourd'hui on parle du prince noir sans forcément avoir des frissons, c'est parce qu'il a aussi été ce civilisateur d'une certaine manière. Hein. C'est ça. Ouais. Alors, la guerre a coûté beaucoup d'argent, il faut récupérer. Il continue à se battre, hein, ce qu'il faut le dire. Hein, il n'est jamais en repos, le conflit reprend. Il y a 9 ans de paix. La paix de Brétigny-Calais institue une trêve de 9 ans. Dès 1369, Charles V, donc le fils de Jean le Bon capturé à Poitiers, entreprend la reconquête. Et dans une large mesure, son initiative est couronnée de succès, hein, avec le fameux Bertrand du Guesclin qui se met à son service. Les possessions en anglaise. Mais Mechlin devient le cauchemar du prince noir. C'est ça. Ça devient un peu le cauchemar du prince noir. Et ce cauchemar, finalement, arrive à son acmé, si vous voulez, avec la défection de Limoges, une ville qui faisait partie de la principauté d'Aquitaine, dont Édouard était souverain, et qui va se donner directement, sans même combattre, par négociation, par accord entre son évêque, qui était censé pourtant être un ami du prince noir, et Charles V, ce qui déclenche la fureur, évidemment, du prince. Et, au passage, précisons que cette principauté d'Aquitaine, cette principauté du prince noir, était très vaste. Elle englobait Quercy, Périgord, Rouergue, Bigorre, Armagnac, Agenais, Poitou. Limousin donc, puisque vous venez de nous le dire à l'instant. C'était l'ancêtre de l'actuelle grande région Aquitaine, d'une certaine manière. Ça ressemblait beaucoup, ouais, d'ailleurs. Ouais. Alors, ce prince noir va se lancer dans une nouvelle guerre, mais cette fois de l'autre côté des Pyrénées. Alors, c'est ça. Le temps que dure la trêve et que les choses se calment côté français, le prince va s'engager en Castille. Là où il a le droit de se battre. C'est ça. Aux côtés de Pierre le Cruel contre son frère, pardon, Henri de Trastamare. C'est une guerre fratricide absolument terrible et à bien des égards même sordide, à laquelle Édouard va se mêler de prendre part contre la promesse de la part de Pierre, qui a été expulsé par son frère, de se voir rembourser les frais énormes qu'il consent pour l'expédition. Ça coûte très très cher, évidemment, d'armer des routiers et de les payer, même s'ils se payent aussi sur le pays, comme on dit, en dévastant et en pillant sur leur passage. Il est victorieux aux côtés de Pierre. Le problème, c'est que Pierre n'honore aucun de ses engagements financiers. Il a pris des gages, Édouard, quelques forteresses, quelques terres en gage, mais il n'arrive pas à en prendre possession. Le résultat, c'est qu'il revient fin 1367, donc, dans sa principauté d'Aquitaine, en perdant, même s'il a été militairement gagnant. Il a d'énormes problèmes financiers. Et il a beaucoup perdu, il a beaucoup engagé dans cette affaire. Il est en faillite. Oui. Là, de ce point de vue-là, il n'a peut-être pas suivi jusqu'au bout l'exemple de son père. Et en plus, il rentre malade. C'est ça. Et il en ramène la maladie qui, manifestement, viendra à bout de lui quelques années plus tard, en 1376. Ce qui fait qu'il ne reste pas à Bordeaux à ce moment-là. Alors, il reste à Bordeaux encore quelques années, jusqu'à la fin 1370. Le temps d'aller piller Limoges au cours d'un sac mémorable, qui est resté dans les mémoires pour punir la ville de s'être donné à Charles V, il finit par rentrer en Angleterre et il va jouer un rôle actif dans la vie politique anglaise pendant les 5-6 années qui lui restent à vivre. J'aime bien le terme, parce qu'il faut que je traduise pour nos auditeurs qui ne vous voient pas. Vous dites dans la vie politique anglaise et vous nous montrez une espèce de marigot comme ça, et que c'est une période pour le moins troublée de l'histoire d'Angleterre. C'est ça, où les partis princiers s'affrontent autour du vieux roi Édouard III. On commence à préparer la succession, c'est simplement. Ça, c'est sauf ça. Que lui, la succession, il ne la verra pas, puisque la maladie l'emporte, vous nous l'avez dit tout à l'heure, in extremis, avant même la mort de son père Édouard III. Drôle de destinée, finalement. Ce prince noir a laissé une image essentiellement dans la fameuse Aquitaine dont il était le prince. Est-ce que les Aquitains, si je puis dire, ont une bonne image de lui? Alors, oui, enfin, longtemps en tout cas, la Gascogne, Bordeaux, ont été beaucoup plus proches en fait de l'Angleterre que de la France, et se sont trouvés très bien finalement d'être inclus dans les possessions anglaises. Après, il faut bien voir que pour l'image du prince noir, il y a une chose qui est très importante, c'est son gisant, qu'on peut voir encore aujourd'hui dans la cathédrale de Canterbury, où il est en grande armure. Très spectaculaire. Et c'est une statue très impressionnante, dont la photo est bien connue, qu'on peut très facilement trouver en tapant, en la googlant si vous voulez. Et ça fait partie de l'image de l'homme. Encore plus grand mort que vivant. Merci beaucoup Julien Théry. Nous allons rester aux côtés du prince noir dans un instant, puisque nous partons pour la Gironde, sur ses traces, en compagnie de Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est à Lormont que Lorena nous emmène cet après-midi visiter le château du prince noir. Bonjour Lorena. Bonjour. Alors c'est beau ce château de Lormont. Très beau, très beau. Il est situé sur les hauteurs de Lormont, en Belvédère, sur la Garonne, à l'entrée de Bordeaux, à plus de 60 mètres au-dessus de la Garonne, dans un véritable écrin de verdure. C'est un château comme souvent détruit et reconstruit plusieurs fois. À l'origine, c'était le château des ducs d'Aquitaine, dès le XIe siècle, puis des rois-ducs, après le mariage d'Aliénor d'Aquitaine, et avec, bien sûr, Henri Plantagenet. Les rois-ducs ensuite confient la garde de ce château aux archevêques de Bordeaux. Le château devient, bien sûr, leur résidence d'été jusqu'à la Révolution. et les archevêques qui reçoivent les rois-ducs de passage à Bordeaux. Et c'est comme ça que le prince noir va y séjourner, donc au milieu du XIVe siècle. Et la tradition... Et le futur Richard II, oui. ce deuxième fils dont nous parlait Julien Théry, serait né, dit-on, au château Normand. Serait né, voilà, c'est la légende qui veut cela. Et d'où ce château, d'ailleurs, qui prendra le nom ensuite de château du prince noir au XIXe siècle. Mais c'est aussi dans ce château que les négociations de paix de la guerre de Cent Ans se sont déroulées. Donc c'est un château vraiment très important. Et à la fin du XVIe siècle, le château va devenir la propriété donc de ses archevêques. Le cardinal François de Sourdis fait raser la forteresse et pour construire un palais. Le château lui-même, oui. Le château tel que l'a connu le prince noir, n'existe plus. Voilà, il a été détruit. Et puis donc après, ça a été un palais épiscopal, partiellement ensuite détruit encore une fois sous Louis XIV et la Fronde. Une résidence de l'archevêque de Bordeaux, finalement. Voilà, c'est ça, exactement. Subsistent aujourd'hui en fait les bâtiments qui datent plutôt du XVIIe siècle et de siècles plus tard. On y ajoutera aussi, vous savez, ces deux tours crénelées qui font aussi tout le charme de ce château. Alors ce château qui a été donc détruit, reconstruit, réaménagé et qui aujourd'hui, si je comprends bien, est un château essentiellement du XVIIe siècle, il a été restauré Il y a une dizaine d'années par Norbert Fradin, qui est un promoteur bordelais qui a la passion de tous ces châteaux et qui les rénove beaucoup. Et ce château était en ruine, il n'y avait plus de toiture, plus de charpente, plus de plancher quand il l'a récupéré. Et heureusement, il ne restait que les murs qui ont été inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques. L'intérieur du château ne se visite pas aujourd'hui, mais l'extérieur, oui, notamment via l'association des Amis du Vieux-Lormont et l'Office du Tourisme. Il y a des visites régulières qui sont organisées pour le parc, etc. C'est vraiment très joli. Et puis alors, pour être certain que Lorena Martin s'intéresserait à eux... Les gens du cru ont créé un grand restaurant. Voilà, le Prince Noir, une étoile au guide Michelin. Il se situe en fait dans les dépendances du XVIIe siècle, les écuries du château. C'est une sorte de cube de verre et de béton qui offre une vue sur le pont d'Aquitaine et sur ce château. Mm-hmm. Il est aujourd'hui tenu par Vivien Durand, qui a repris la maison depuis 2014. C'est une cuisine vraiment du terroir du Sud-Ouest et la carte change bien sûr régulièrement avec les produits de saison et du marché. Et figurez-vous que depuis un an, le château accueille aussi le Cours Florent, qui a une antenne. Comédiens du Cours Florent qui cherchaient un lieu pour implanter leur antenne à Bordeaux et donc ils sont aussi logés dans ce château. De répéter dans ce château. Non, quand c'est même. Pas mal, c'est bien, envie. C'est chic. La cantine n'est pas désagréable d'après ce que j'ai cru comprendre. Merci beaucoup Lorena. Vous nous reparlerez des châteaux qui ont de bons restaurants dès demain à mon avis. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Ah bah tiens. À propos de restaurant. Voilà, nous étions au restaurant. Nous allons donc en savoir plus et connaître les origines, grâce à vous Franck, des couverts, fourchettes. Alors moi je suis fourchette, couteau, cuillère. C'est-à-dire ? Bah, je reste sur ces trois-là. Il y a des restaurants où il y en a beaucoup plus, vous savez. Ah ben, on peut mettre plusieurs. Généralement, on évite d'en mettre trop à la fois sur la table. Sinon, c'est trop compliqué. C'est plus élégant d'en avoir un ou deux par service, c'est mieux. Alors, le couteau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là ? Ça nous remonterait. Parfois, vous savez, il y a quand même des questions qui sont singulières dans cette rubrique. Parce que le couteau, ça remonte aussi vieux. Il y a 25 000 ans, on avait des lames de silex ou de quartz. Et puis, en fonction des évolutions de la métallurgie, on les a vues évoluer, toutes ces lames, bien entendu. Le bronze, le fer, etc. Alors, c'est au Moyen-Âge que l'emploi du couteau va être universel, si je puis dire. Ça reste un objet personnel pour les gens à cette époque. Et c'est pour cette raison qu'au XVe siècle apparaissent les premiers couteaux pliants. Plus tard, ça deviendra les canifs, vous savez. Ce qui permet de le ranger dans une aumônière, dans une poche, etc. Le bout du couteau, à l'époque, est encore pointu, bien entendu. C'est le cardinal de Richelieu, vous savez, qui va rendre obligatoire les couteaux de table à bout rond. Je crois que c'était en 1629. Donc là, à partir de là, les couteaux ne sont plus pointus. La légende veut que le cardinal ait eu cette idée en remarquant que certains convives avaient la désagréable habitude de se curer les dents avec le bout de leur couteau. C'est pas chic, ça. C'est pas qu'il avait peur d'être assassiné, contrairement à ce qu'on dit souvent. Alors, la cuillère, la même chose là que l'homme a longtemps utilisé, vous savez, des coquillages, des coques, etc. Les premières cuillères en bois apparaissent dès le néolithique. On en trouve qui ont plus de 12 000 ans maintenant. Au Moyen-Âge, les cuillères vont prendre un rôle très important. La fameuse cuillère à pot, rappelez-vous, qui est la grande louche au centre du pot, dans la maison, dans le foyer principal, c'est essentiel. C'est l'instrument essentiel de la maison, si je puis dire. Et puis, on va voir des cuillères beaucoup plus raffinées se développer à partir de la Renaissance. Il faut attendre l'industrialisation au 19e siècle pour que le couvert se diffuse absolument partout. En 1844, Charles Christoffel va introduire le métal argenté qui donne l'apparence à une grande partie qui donne son apparence, si je puis dire, son aspect à une grande partie des cuillères d'aujourd'hui. Il y avait des cuillères en argent massif aussi, il y en a toujours, Dieu merci. Et la fourchette, bon, ben ça, c'est l'instrument un peu plus raffiné qui arrive en France, on a souvent eu l'occasion de le dire, avec Catherine de Médicis essentiellement, au XVIe siècle. Catherine de Médicis épouse le futur Henri III en 1533. L'usage est relativement peu répandu jusqu'au XVIIIe siècle. Vous savez que Louis XIV, par exemple, l'utilisait extrêmement peu. Louis XVI lui-même utilise essentiellement la pointe de son couteau. Et alors, au XVIIIe siècle, la fourchette devient un instrument, alors là, absolument incontournable. On la place dans un premier temps à droite, et puis, pour des raisons de bonne main, elle trouvera sa place sur votre table, à gauche, bien entendu, de l'assiette. Et voici Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Franck. Alors aujourd'hui, on va parler de nos échecs. Il n'y a pas que du négatif dans le fait d'avoir échoué. Échouer serait même essentiel pour réussir ensuite. L'échec formateur. Merci beaucoup Isabelle. Nous nous retrouvons demain à 14h. Oui, avec une émission consacrée à l'as des as de la Première Guerre mondiale, René Fonck. À demain sur Europe 1.